بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، نو كوتينيو Inch'Allah ta'ala, mes frères, nos cours de tafsir, et nous sommes arrivés au tafsir de Surat Al-Fajr, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Wal-Fajr, Wal-Layalin Ashr, Wal-Shaf'i Wal-Watr, Wal-Layli Idha Yasr. كل هذه إقسامات بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها. Donc toutes ces choses qui sont mentionnées dans ces quatre premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala jure par celles-ci cinq choses par lesquels Allah Azza wa Jal jure. Et je vous rappelle, comme on l'a déjà souligné auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala y jure par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, au contraire des créatures qui ne peuvent jurer uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala et par rien d'autre. Donc ici il commence « Wal-Fajr » هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة ويختلف باختلاف الفصول فأحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس وأحيانا تقصر حسب الفصول. Donc il commence par le Fajr. Il jure par le Fajr. Le Fajr, c'est la lumière éclairante ou la lumière claire qui se pointe à l'horizon du côté est. Du côté est, lorsque le soleil est proche de se lever. Attention, on n'a pas dit lorsque le soleil se lève. Lorsque le soleil est proche de se lever. Donc c'est cette lumière éclatante qui apparaît à l'est, au niveau de l'horizon, lorsque le soleil est proche de se lever. Voyez, on ne parle pas du disque solaire. Lorsque le disque solaire apparaît à l'horizon, ça c'est autre chose. On parle de la lumière. Ici, le Cheikh Al-Uthaymeen mentionne qu'entre le Fajr et le lever du soleil, c'est-à-dire que le disque solaire apparaît à l'horizon, il donne 1h32 ou des fois 1h17. Cependant, ceci diffère. Diffère de quoi ? Déjà de la saison. Selon les saisons, le temps entre Le moment où la lumière du Fajr, ou la lumière du soleil, qu'on appelle ce moment-là le Fajr, apparaît, et lorsque le disque solaire apparaît, il peut être plus ou moins grand selon la saison. Mais aussi également selon quoi ? Eh ouais, la position que tu trouves sur Terre. Shir, là, il s'adresse là où il se trouve. En l'occurrence, en Arabie Saoudite. Ça peut être différent dans d'autres pays, selon la position sur la Terre. Et selon les saisons. Donc des fois, le temps entre le Fajr et le soleil, lorsque le disque solaire apparaît, qu'on appelle, comment on appelle en arabe ? Lorsque le disque solaire apparaît, comment on appelle ce temps-là ? Al-Shuruq. Al-Shuruq, naam. Al-Shuruq, hein. Quand on dit Al-Shuruq, c'est quand le soleil apparaît. C'est-à-dire, c'est la fin de quelle prière ? Du Fajr. Le Fajr est terminé. C'est-à-dire, celui qui n'a pas prié, il est transgresseur, il est pécheur. Et même, certains ulémas, certains savants de la sunna mentionnent celui qui délaisse volontairement, sans aucune excuse, la prière du Fajr et qu'elle sort en dehors de son temps, il sort de l'islam. Allahu Akbar. Certains savants ont dit ça. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Et là, il a délaissé volontairement une prière qui est sortie en dehors de son heure. Bien sûr, ça c'est un petit groupe de savants qui mentionne ça. C'est pas la majorité des ulémas, mais c'est pour vous montrer la gravité de la chose. C'est pour vous montrer la gravité de la chose. Bien sûr, on ne parle pas de celui qui est excusé, celui qui s'est endormi. Hein ? Celui qui a oublié, par exemple, etc. Al-Muhim. Donc le Shuruq, c'est le moment où le disque solaire sort à l'horizon. Et c'est la fin de la prière d'Al-Fajr. Donc, selon les périodes, selon l'endroit où tu te trouves sur Terre, le temps entre le Fajr et Shuruq va différer. Wal-Fajru Fajran. Fajru Sadiq. Wal-Fajru كاذب والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه الفجر les deux il y a deux fajr il y a deux fajr le fajr qu'on appelle الصادق le véridique والفجر الكاذب le menteur si vous voulez traduire par littéralement et on va expliquer en détail ici Allah jure par quel fajr Al-Fajr al-Sadiq, yani celui qui annonce le début de l'heure de la prière, d'Al-Fajr, ou al-Subh. Ça aussi, les ulémas ont divergé sur c'est quoi al-Fajr, c'est quoi al-Subh. Ce qui apparaît être le plus sûr, c'est que al-Fajr, c'est al-Subh. Et al-Subh, c'est al-Fajr. C'est le même nom, ou c'est la même prière qui a deux noms. Wallahu ta'ala a'lam. Et la différence entre Al-Fajr al-Sadiq et Al-Fajr al-Kadhib, trois points. Al-Wajh al-Awwal, Al-Fajr al-Kadhib, yakunu mustatilan fi al-sama'i, laysa 'ardan, walakinahu tulan. وأما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال من الشمال إلى الجنوب. Min al-shamal ila al-junub, pardon. Le premier point, c'est que al-fajr al-kadhib, il est allongé. Mustatil, c'est le rectangle. On appelle ça mustatil, le rectangle. Il a une forme allongée. Et il est dans le ciel, mais il n'est pas de façon horizontale. Mais il est vertical. D'accord ? Il n'est pas en largeur comme ça. Il est en hauteur, la lumière. Alors que le Fajr al-Sadiq, lui, il apparaît à l'horizon de façon horizontale. Du nord au sud. Fahimtoum, vous avez compris la différence ? Faites le test. Levez-vous, regardez. Une demi-heure avant le Fajr. Vous allez voir, ou peut-être même plus. Vous regardez si vous voyez. Al-Fajr al-Kadhib. Pourquoi on l'appelle Kadhib? C'est un menteur dans le sens où on peut croire que c'est le Fajr, on voit de la lumière. Mais ce n'est pas le Fajr. Hein, on va voir en détail après. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلم بعده بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس وأما الفجر الكاذب فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء ولهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل ويزول. La deuxième différence, c'est que le Fajr al-Sadiq, après lui, il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus de pénombre, c'est fini. Après lui, c'est la lumière qui augmente, augmente et augmente. Hein, vous avez déjà vu après l'adhan du Fajr, la nuit ou l'obscurité qui revient? Non, c'est fini. Ça devient de plus en plus clair. Jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Au contraire du Fajr al-Kadhib. Le Fajr al-Kadhib, lorsqu'il arrive, lorsqu'il se produit, après, il y a encore de l'obscurité. Il y a encore de la pénombre. Donc, il y a eu de la lumière, et après, il y a de la pénombre, hein, et de l'obscurité. C'est pour ça qu'il a été appelé Kadhib, menteur. Entre guillemets, c'est un menteur, c'est pas le Fajr. Parce qu'après, il y a de l'obscurité encore. Donc, après la lumière, hein, la lumière s'affaiblit. Hein, la lumière s'en va. Après la lumière de quoi? Du Fajr al-Kadhib. الفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق أو بالأفق بالأفق pardon. أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر. أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تعجب هذه العلامات. Troisième différence, c'est que le Fajr al-Sadiq, il est rattaché à quoi? À l'horizon. Il est rattaché à l'horizon. Alors que le Fajr al-Kadhib, entre lui et l'horizon, il y a quoi? Il y a de l'obscurité. Il n'est pas rattaché à l'horizon. Donc ça, c'est trois différences, des différences astronomiques, hein, par lesquelles les gens connaissent la différence entre le Fajr al-Kadhib et le Fajr al-Sadiq. Et ça, c'est possible, c'est visuel, c'est visible où? Dans la campagne, dans la brousse. Alors que les gens de la ville, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas voir. Parce que les lumières, hein, ont caché, les lumières de la ville ont caché, hein, ces signes-là. Fahimtoum. Également, hein, concernant l'entrée de l'heure, Al-Fajr, hein, on a un certain nombre de hadiths qui sont connus comme Al-Ladhi rawahu Al-Bukhari wa Muslim, An Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, qal. أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon qui? Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, qui dit lorsque le verset dans sourate Al-Baqara, hein, est descendu, وكلوا واشربوا, et mangez et buvez, hatta yatabayyana lakum, jusqu'à qu'il vous éclaire quoi? Al-ghayt al-abyad min al-ghayt al-aswad, le fil blanc du fil noir. Et au début, le verset, il n'y a pas min al-fajr qui a été descendu, le fil blanc du fil noir du fajr, ceci n'a pas été descendu au début. Fakana rijalun إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. Alors, certaines personnes parmi les Sahaba, s'ils voulaient jeûner, Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils attachaient à leurs pieds un fil blanc et un fil noir. Et ils mangeaient jusqu'à qu'ils puissent différencier le fil blanc du fil noir. Hein, à l'époque, il n'y a pas l'électricité. Hein, comme ça, appuie sur le bouton, tu vois. Hein, c'est la nuit. Ils ont attaché un fil blanc, un fil noir sur leurs jambes, sur leurs pieds. Et ils regardent. La nuit, tu ne vois pas la différence. Alors, ils mangent. Jusqu'à qu'ils voient la différence, ils arrêtent de manger et ça y est, c'est le fajr. C'est comme ça qu'ils ont compris le verset. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a descendu après cela, min al-fajr, hein, du fajr, afin qu'ils comprennent, hein, ils ont su après cela, que ce qui était voulu par le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire la nuit du jour. Wa kadhalik rawa al-Bukhari an Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياد النهار. Également l'imam al-Bukhari rapporte le hadith connu de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, ce compagnon qui mentionne lorsque le verset حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, jusqu'à que le fil blanc vous est clair, apparent comparé au fil noir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fil blanc et une corde blanche et une corde noire et il les a mis sous son coussin. Et la nuit, il regarde. Il a dit, la nuit, je regarde jusqu'à que j'arrive à différencier les deux. Je ne suis pas arrivé à les différencier jusqu'à que Al-Muadhin a fait l'adhan. Alors, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a mentionné ceci. Alors, le prophète lui a expliqué, non, le fil blanc, c'est quoi? C'est la noirceur de la nuit. Et le fil blanc, le fil noir, c'est la noirceur de la nuit. Et le fil blanc, c'est quoi? La blancheur du jour. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Wa aqsama Allah bil fajr li annahu ibtida'u an-nahar. وهو انتقال من ظلمات دامسة إلى فجر ساطعة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le fajr. Pourquoi? Car c'est le début de la journée. Et c'est à ce moment-là que l'obscurité sombre devient donc une lumière éclairante. وَأَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَذَا الْفَجْرِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. الله أكبر. Également, Allah Azza wa Jal jure par Al-Fajr. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible pour quiconque d'amener ou de faire venir le Fajr excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est possible qu'une seule créature, ou même est-ce qu'il est possible si toutes les créatures de la terre se réunissaient afin de faire venir le Fajr, est-ce qu'il le pourrait? Wallah, wallah, il ne pourrait pas. Tu ramènes tous les physiciens, les chimistes. Non, je sais pas ce comment on dit les gens de la chimie. Chimistes. Les chimistes. Les astrophysiciens, les chimistes, etc. Les mêmes astronautes. Ramène tout ce que tu veux. Tous les savants et les scientifiques de cette terre. Et tu leur dis, ramenez-nous le Fajr à 5h30 au lieu de 6h. Wallah, ils ne le peuvent pas. C'est pas possible. Seul Allah Azza wa Jal en est capable. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Qasas, dis, yani toi, ya Muhammad, dis-leur, avez-vous vu que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu pour vous, ou a fait pour vous la lune ou plutôt, excusez-moi, j'ai mal traduit. Dis, yani, ya Muhammad, voyez-vous, si Allah Azza wa Jalla a fait pour vous une nuit continue, il n'y a pas de jour, c'est la nuit continue, jusqu'à Yom al-Qiyamah, imaginez-vous, il n'y a pas de jour, tout, vous voyez comment on est maintenant, 24 heures sur 24. Est-ce qu'une seule divinité autre qu'Allah pourrait faire venir la lumière? Est-ce que vous n'écoutez pas? Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le verset d'après, hein, si vous vous rappelez, Allah azza wa jalla mentionne le contraire. Si Allah avait fait la journée 24 heures sur 24, est-ce qu'une divinité autre qu'Allah pourrait ramener la nuit? Non. C'est impossible. Wa aqsam Allahu بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية مثل إمساك الصائم فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه أو صومه أو صومه نعم ويترتب عليه أيضا بعدنا الله aussi jure par le fajr. Là, ça fait combien de raisons qu'on mentionne? Troisième raison, Hassan, je vois si vous suivez. Allah jure par le Fajr. Pourquoi? Parce que du Fajr découlent des jugements religieux, des jugements légiférés dans la religion. Comme quoi? Comme le fait de se retenir de jeûner, ou plutôt le jeûneur qui se retient de manger. Excusez-moi. Ouais, absus. Donc lorsque le Fajr apparaît, lorsque le Fajr se lève, il devient obligatoire au jeûneur de se retenir, de faire tout ce qui annule le jeûne, que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْضًا دُخُولُ الْوَقْتِ دُخُولُ وَقْتِ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَهُمَا حُكْمَانِ شَرْعِيًّا عَظِيمًا أَهَمُّهُمَا دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعي مما نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته. Également fait partie des règles religieuses qui sont rattachées au Fajr l'entrée de l'heure de la prière. Et donc ces deux jugements, hein, le fait que le jeûneur s'arrête, arrête tout ce qui annule le jeûne, et l'entrée de l'heure de la prière, ces deux jugements sont rattachés à quoi? Au Fajr. Et ces deux jugements sont des jugements extraordinaires dans l'islam. Et le plus extraordinaire des deux, le plus important, c'est lequel? L'entrée de l'heure pour la salat, pour la prière. Pourquoi? Et hein, il nous est obligatoire de préserver, hein, ou de faire tout notre possible pour préserver, hein, ce moment, ni l'entrée de l'heure du Fajr, hein, et plus que ni, excusez-moi, c'est difficile ce soir. Il est important, il est plus important de préserver ce temps par rapport à l'entrée de l'heure que par rapport au fait de se retenir de jeûner. Fait de se retenir des choses qui annulent le jeûne. Pourquoi? Parce que, imaginons que l'entrée de l'heure du Fajr, on s'est trompé. Et on l'a avancé d'une demi-heure. On s'est trompé. Si je me suis retenu de manger, boire, etc., qu'est-ce qui se passe? Rien. On est sur le asl, sur la base, et on est dans la nuit. Donc notre jeûne n'est pas affecté. Tayeb. Mais si je prie une demi-heure avant le Fajr, est-ce qu'on dit non, ben, on est sur le asl, on est sur la base, c'est pas grave? Non. La prière n'est pas acceptée en tant que prière obligatoire. mais elle est acceptée en tant que prière surérogatoire. Voilà pourquoi il est plus important de préserver ou de porter attention à l'entrée de l'heure du Fajr pour la prière que pour le fait de se retenir des choses qui annulent le jeûne. Fahimtum ? وَمَنْ ثَمَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى مُلَاحَظَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي الْعِنَايَ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْفَجْرِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَهَذَا غَلَطْ. Il a dit, donc ici on prend l'occasion de rappeler un point très important sur ce sujet. C'est le fait de porter de l'attention ou de faire très attention ou de préserver l'entrée de l'heure de la prière du Fajr. Car beaucoup parmi les muadzinoun, ceux qui font l'adhan, ils font l'adhan avant l'heure du Fajr. Et ça, c'est une erreur. لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة non pardon إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. Ceci est une erreur. Pourquoi? Car l'adhan avant l'heure n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la prière arrive ou si c'est l'heure de la prière, alors qu'un d'entre vous fasse l'adhan. Qu'est-ce qu'on comprend? Que si c'est pas l'heure, l'adhan n'est pas accepté. Wa yakunu hudur as-salah idha dakhala waqtaha. Et donc l'heure de la prière, elle se fait seulement si, ou plutôt la prière se fait seulement si l'heure a commencé, si l'heure a débuté. فَلَوْ أَذَّنَ الْإِنسَانِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَأَذَانُهُ غَيْلُ الصَّحِيحِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةِ. Donc si une personne fait l'adhan avant l'heure de la prière, son adhan, il n'est pas accepté, il n'est pas juste, il n'est pas correct. Il est obligatoire qu'il refasse l'adhan au moment où l'heure commence. والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. Donc le fait de faire attention et de préserver l'entrée du Fajr est très important. Pourquoi? Afin de préserver l'heure de la prière. فهمتم؟ On a terminé avec le premier, الفجر. وقوله تعالى وليال عشر قيل المراد بليال عشر عشر ذي الحجة. Ensuite il jure par les 10 jours. Les 10 nuits. C'est difficile, non? Par les 10 nuits. Certains ont dit, les 10 nuits ici, c'est lesquelles? C'est les 10 nuits, ou plutôt, c'est les 10, on va traduire littéralement, pour laisser le suspense. C'est les 10 de Dhul-Hijjah. Il y a ni le mois de Dhul-Hijjah. Combien de mois dans le calendrier musulman? 12. Le premier? Al-Muharram. Le dernier? Dhul-Hijjah, qui est le mois du Hajj. Et le mois de ouais, et de quoi d'autre? Un égorgement. Hein? De grand rire. Al-Asma. Al? Al-Adha. Voilà, Bah non, tu ne nous fais pas le Hajj, on fait Eid al-Adha. Voilà. Non, Tabaski. Tabaski. Non. On sent les ventres là, ils parlent, les ventres. Taïeb. Donc les 10 de Dhul-Hijjah. Wa atlaqa 'ala al-ayam layali, lianna al-lugha al-arabiyya wasi'a. Qad tutlaqa al-layali wa yurad biha al-ayam. Il dit ici, il a été mentionné les nuits, mais ce qui est voulu, c'est les jours. Pourquoi? Parce que la langue arabe, elle est large. Et il est possible qu'on mentionne les jours, les nuits, mais on veut par cela les jours. والأيام يراد به بها الليالي. Et il est possible qu'on mentionne les jours, mais on veut par cela les nuits. وقيل المراد بليالي عشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان. Et d'autres ont dit quoi? Ils ont dit non. Les 10 nuits ici, c'est quoi? Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le mois numéro combien? 9. أحسنتم. أما على الأول الذين يقولون المراد بليالي العشر عشر ذي الحجة فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. والحديث رواه بشيء. استغفر الله ماذا قلت؟ جدي كوا؟ نعم من ذلك بشيء. والحديث أخرجه البخاري. Ceux qui disent que c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ils disent parce que ces 10 jours-là sont des jours avec un mérite exceptionnel. Il est même mentionné que c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Il n'y a pas 10 jours meilleurs que cela. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné concernant ces 10 jours-là, il n'y a pas de jour où l'œuvre pieuse est pratiquée, qui est plus aimée auprès d'Allah que ces 10 jours-là. Lesquels jours? Dhul-Hijjah. Alors il lui dit, même pas le djihad fi sabilillah, même pas la lutte, yani le combat dans le sentier d'Allah, il a dit même pas le djihad fi sabilillah. Excepté un homme qui sort avec sa propre personne et ses biens, et aucun de cela revient. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة فقالوا إن الأصل في ليالي أنها ليالي وليست الأيام وقالوا إن ليالي عشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها خير من ألف شهر وقال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Et ceux qui disent que c'est les 10 nuits de Ramadan, ils disent, les 10 dernières nuits de Ramadan, ils disent, la base, c'est que la nuit, c'est la nuit. Et que ce n'est pas le jour. Allah dit la nuit, c'est la nuit. Et ce n'est pas le jour. Et ils disent que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan se trouvent dans ces nuits, quoi? Laylatul Qadr. La nuit du destin pour laquelle Allah a dit qu'elle est meilleure au sens approché, qu'elle est meilleure que 1000 mois. Et pour laquelle il a dit, et certes nous avons descendu le Coran en une nuit bénie. Et nous sommes avertisseurs. Il y a dans cette nuit le décret de toute chose ou de tout ordre juste. وهذا القول أرجح من القول الأول وإن كان القول الأول وإن كان القول الأول هو قول الجمهور. Et Cheikh Al-Uthaymin ici rahimahullah ta'ala dit, et c'est cet avis là qui est le plus juste, plutôt que la deuxième avis, le fait que ce soit les 10 nuits de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est plus juste que ce soit cela plutôt que l'avis, le premier avis qui dit les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, même si la majorité des savants disent le premier avis. Shir yukhalif al-jumhur. Ça, il n'y a pas d'étonnement. On vous a toujours dit, le haqq, la vérité, ce n'est pas forcément dans le nombre. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont forcément raison. Al-haqq bil-adillah. La vérité, c'est avec les preuves. D'accord ? Donc, le plus grand nombre peut se tromper par rapport au plus faible nombre. Ou vice-versa. C'est pas une balance, le nombre. S'il y a plus, on sait aucune raison, ou s'il y a moins, non. La balance, c'est quoi? Ce qui est en concordance avec le Coran et la Sunna. Et ça mérite une série de cours que sur ce principe-là. Mais bon, vous avez compris ici le maqsoud, l'objectif, le but. وإنما يرجح القول الثاني أنها ليالي العشر الأواخر من رمضان وأقسم الله بها لشرفها ولأن فيها ليلة القدر ولأن المسلمون يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام فلذلك أقسم الله بهذه ليالي. Et donc Allah a juré par ces 10 dernières nuits, pourquoi? Pour leur noblesse. Hein? Parce que les 10 meilleures nuits de l'année, c'est lesquelles? Les 10 dernières nuits de Ramadan. Et comme ça, on regroupe entre eux les deux. Les 10 meilleurs jours, c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Les 10 meilleures nuits, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. Et aussi également parce que dans ces 10 dernières nuits, il y a quoi? Laylatul Qadr, qui est une nuit meilleure que 1000 mois. Hein? Et également parce que c'est dans ces 10 dernières nuits que les musulmans clôturent leur mois de Ramadan, qui est un temps obligatoire, hein, dans les obligations de l'islam. Le jeûne de Ramadan, qui est un pilier de l'islam. Hein? Donc vous comprenez pourquoi Allah Azza wa Jalla a juré par ces 10 nuits-là. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قِيلَ إِنَّ الْمُرَادِ بِهِ كُلُّ الْخَلْقِ فَالْخَلْقِ إِمَّا شَفْعَ وَإِمَّا وَتْرِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَ زَوْجَيْنِ وَالْعِبَادَاتِ إِمَّا شَفْعَ وَإِمَّا وَتْرِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ كُلُّ مَا كَانَ مَخْلُوقًا مِنْ شَفْعِ وَوَتْرِ وَكُلُّ مَا كَانَ مَشْرُوعًا مِنْ شَفْعِ وَوَتْرِ. Et donc ensuite Allah jure par وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, qu'on peut traduire, et par le père et l'impère. Père, P-A-I-R, hein, P-A-I-R, pas le père, le papa. Père, yani 2, 4, 6, 8, hein, vous avez pris ça en maths. Et l'impère. Impère, 1, 3, 5, 7, 9, 1. Et ils se disent ici, c'est quoi le but, c'est quoi qui est visé? C'est toute la création. C'est toute la création. Pourquoi? Parce que toute la création a été créée soit père, soit impère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous avons créé, et de toutes choses, nous avons créé en couple, hein, mâle et femelle, hein, les animaux, les plantes, les êtres humains, les djinns, etc. Également l'ibadat, les adorations. Les adorations, il y en a qui sont de père, il y en a qui sont impère. Donc ils disent ici la signification, c'est quoi? C'est toute la création. L'impère et l'impère, ça englobe tout. D'accord? Tout ce qui a été créé et toutes les adorations. وقيل المراد بشفع الخلق بشفع الخلق كلهم والمراد بالوتر الله عز وجل واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان الوتر والوتر يعني لو قلت والشفع والوتر صح ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا. Et certains ont dit que المراد بالشفع الشفع c'est quoi? C'est toute la création. Et al-murad bil-watr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, mes frères, qu'il y a deux lectures ici. Vous savez que le Coran, il y a combien de lectures? 10. 10 lectures pour une lettre. La lecture de Quraysh. Rappelez-vous, on a parlé de ça. Le Coran a été descendu en sab'a ahruf. Uthman, il a tout éliminé, il a laissé qu'une récitation, ou qu'une lecture, pardon, plutôt qu'une version, qui est celle de Quraysh. Et la version de Quraysh, elle est lue en 10 lectures. Dans ces 10 lectures, certains peuvent lire avec al-witr ou al-watr. Hein? Wa-shaf'i wal-witr, wa-shaf'i wal-watr. Mais attention, Issel Shir, il n'a pas développé. Il dit, si tu lis al-witr, c'est juste. Mais si tu lis al-watr, c'est juste. Mais attention, ça ne veut pas dire, il ne faut pas mélanger les lectures. Hein? Ce n'est pas tu lis en hafs, hein? Wal-faj wal-ayin-hash, wa-shaf'i wal-witr. Et lorsque toi tu l'as en hafs et tu rajoutes al-witr qui est d'une autre lecture, hein? Ou certains qui mélangent entre le hafs et le warsh. Non, là il y a juz. Si tu lis une sourate dans ta prière, soit tu lis d'une seule lecture, tu ne mélanges pas les lectures entre elles. Donc soit tu lis tout en warsh, soit tu lis tout en hafs ou en qaloun, etc. Hein? Ça dépend les 10 lectures. Donc les deux sont permis, ou les deux sont permis, les deux existent. فقالوا إن الشفع والخلق لأن المخلوقات كلها وكلها مكونة من شيئين. Ils disent donc الشفع, le père, père, P-A-I-R, attention. Ça implique toute la création, parce que toutes les créatures, hein, ont été créés de, à partir de deux choses. Hein, tous les êtres vivants ont été créés à partir de deux choses. Hein, mâle et femelle. C'est ça qui est voulu ici. Comme Allah a dit, « Wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn. Wal wat aw al witr hu Allah. Liqouli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah witr yuhibbu al witra. » Comme la muttafaqun alayh. Hein? Comme et le witr ou le watr, le sens qui est voulu, c'est qui ici? Allah. Yani Allah, il jure par lui-même ce qui est voulu ici, selon certains. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari muslim, certes, Allah est witr. Hein? Et il aime le witr. Et après l'adhan, on va expliquer, inshallah wa ta'ala, le verset. Le hadith. Naam. Donc ici, pour ici, il dit que certains savants ont mentionné que al-watr, yani, il jure par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même. Al-watr ou al-witr, les deux sont possibles. Et il se base sur le hadith Inna Allah witr, yuhibbu al-witra. Même en ce hadith, قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين يعني ليس معه إله ثاني. Il dit الشيخ العثيمين dans son explication de رياض الصالحين Inna Allah witr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas avec Allah une divinité, une deuxième divinité. C'est lui, al-witr. وَيُحِبُّ الْوِتْرَ بِمَعْنَى وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْوِتْرَ وَقَدْ ظَهَرَتْ آثَارَ هَذِهِ الصَّحِيحَ هَذِهِ مَحَبَّةِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ وَفِي الْمَشْرُوعَاتِ. Et donc Allah, il aime الْوِتْرَ, il aime père. Et ceci, hein, les conséquences de ceci, les conséquences de cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'impair, pour l'huître, hein, se voit dans les créatures et se voit dans les différentes, hein, règles religieuses ou les actes légiférés dans la religion. فَفِي مَشْرُوعَاتِهِ تَجِدُوا أَنَّ أَكْثَرَهَا وِتْرَ يَنْقَطِعُ بِالْوِتْرَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ عددها سبع عشرة ركعة وهو وتر وهي وتر صلاة الليل إحدى عشر ركعة وهي وتر. Hein? Il dit, il fait partie de, si vous regardez les actes religieux, hein, les pratiques, les adorations, tu vois que la plupart d'entre eux sont au nombre impair. Combien de prières obligatoires? 5 prières obligatoires. Les 5 prières, elles sont combien de raka? 17 impair. La prière de la nuit, combien de raka? 11 ou 13, hein, selon les versions. Tout ceci, tout ceci est impair. Allez, ça kadalik? Kadalika al-makhlouqat. A'azam ma na'ala min al-makhlouqat al-arsh wa huwa wahid. Thumma al-samawat wa hiya sab'a. Thumma al-aradun wa hiya sab'a. Il dit même les créatures qu'Allah a créées. La plus grandiose des créatures, Al-Arsh, la plus grande, c'est quoi? C'est Al-Arsh, le trône. Le sakadalik, c'est pas vrai? Et donc, l'Arsh, il est combien? Il y en a un, witr. Les cieux, c'est pas des créatures exceptionnelles? Combien? 7, impair. Les terres? 7, impair, etc. Donc ici le shir nous dit voilà pourquoi Allah il a, ou, voilà les, ce qui nous montre que Allah Azza wa Jal aime al-witr, l'impair. Vous comprenez? Et il termine l'explication de ce verset en disant shir, hein, que de toute façon la règle qui est bien connue en tafsir qu'on a répété maintes et maintes fois ici, c'est que si les deux sens sont applicables et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux sens, alors les deux sont bons et on applique les deux sens. Ici, le fait de dire que Allah jure, hein, par toutes les créatures, ou qu'il jure par les créatures et par lui-même, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de contradiction. Donc ici, hein, les deux explications sont permises. Jazakumullah khairan, mes frères. On va s'arrêter là, on n'a pas le temps de terminer